Au moment où Barbicane allait abandonner la vitre pour procéder au dégagement du hublot opposé, son attention fut attirée par l'approche d'un objet brillant. Hé ! S'écria Michel Ardan. Qu'est-ce cela ? Un autre projectile ? Bon voyage ! S'écria Michel Ardan en poussant un soupir de satisfaction. Comment ? L'infini n'est pas assez grand pour qu'un pauvre petit boulet puisse s'y promener sans crainte ? Ah ça ! Qu'est-ce que ce globe prétentieux qui a failli nous heurter ? C'est, dit Barbicane, un simple bolide, mais un bolide énorme que l'attraction a retenu à l'état de satellite. Mais reste toujours cette insoluble question, dit le président. Pourquoi n'avons-nous pas entendu la détonation du Columbiad ? Faute de réponse, la conversation s'arrêta et Barbicane, tout en réfléchissant, s'occupa de rabaisser le mantelet du second hublot latéral. Le disque lunaire brillait alors avec une incomparable pureté. Ses rayons, que ne tamisait plus la vaporeuse atmosphère du globe terrestre, filetaient à travers la vitre et saturaient l'air intérieur du projectile de reflets argentins. Le noir rideau du firmament doublait véritablement l'éclat de la lune qui, dans ce vide de l'éther impropre à la diffusion, n'éclipsait pas les étoiles voisines. Le ciel, ainsi vu, présentait un aspect tout nouveau que l'œil humain ne pouvait soupçonner. On conçoit l'intérêt avec lequel ces audacieux contemplaient l'astre des nuits, but suprême de leur voyage. Ces montagnes, ces plaines, tout son relief, ne s'accusaient pas plus nettement à leurs yeux que si juste considérés d'un point de vue quelconque de la Terre. Mais sa lumière, à travers le vide, se développait avec une incomparable intensité. Le disque resplendissait comme un miroir de platine. De la Terre qui fuyait sous leurs pieds, les voyageurs avaient déjà oublié tout le souvenir. Tandis qu'ils cherchaient à percer les profondes ténèbres de l'espace, un bouquet étincelant d'étoiles filantes s'épanouit à leurs yeux. Des centaines de bolides enflammés au contact de l'atmosphère rayaient l'ombre de traînées lumineuses et zébraient de leur feu la partie cendrée du disque. Michel Ardan, dédaignant les raisonnements scientifiques, aima mieux croire que la Terre saluait de ses plus brillants feux d'artifice le départ de trois de ses enfants. Imperceptible point de l'espace, ce n'était plus qu'un croissant fugitif, ce globe où ils avaient laissé toutes leurs affections. Longtemps, les trois amis, sans parler, mais unis de cœur, regardèrent, tandis que le projectile s'éloignait avec une vitesse uniformément décroissante. Puis, une somnolence irrésistible envahit leur cerveau. Était-ce fatigue de corps et fatigue d'esprit ? Sans doute, car après la surexcitation de ces dernières heures passées sur la Terre, la réaction devait inévitablement se produire. « Eh bien, dit Michel, puisqu'il faut dormir, dormons. » Et, s'étendant sur leur couchette, tous trois furent bientôt ensevelis dans un profond sommeil. Mais ils ne s'étaient pas assoupis depuis un quart d'heure que Barbicane se relevait subitement et réveilla ses compagnons d'une voix formidable. « J'ai trouvé » s'écria-t-il. « Qu'as-tu trouvé ? » demanda Michel Ardan, sautant de sa couchette. « La raison pour laquelle nous n'avons pas entendu la détonation de la Columbiade. » « Et c'est ?» fit Nicole. « Parce que notre projectile allait plus vite que le son. »